Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Marcel Duchamp, de son nom complet Henri-Robert Marcel Duchamp. Né en France le 28 juillet 1887 et mort à Neuilly-sur-Seine en France le 2 octobre 1968. Il est mort à l'âge de 81 ans. Il a été naturalisé américain en 1955 à 68 ans. Nous allons aujourd'hui étudier son parcours artistique. Il a eu une influence déterminante dans l'inspiration et la démarche artistique de l'art minimal et de l'art conceptuel. Ses débuts ne le promettaient pas forcément à une telle prospérité. En effet, il échoue au concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris et hésite entre devenir humoriste ou peintre. Il décide finalement de s'essayer à la peinture figurative, très marquée par Paul Cézanne. En 1917, avec La Fontaine, que nous allons étudier un peu plus tard, Duchamp invente le ready-made et marque l'histoire de l'art. Le ready-made est un objet manufacturé qu'un artiste s'approprie tel quel en le privant de sa fonction utilitaire. Dans l'histoire de l'art, on se réfère à l'œuvre de Marcel Duchamp, Fontaine, qui est en réalité un urinoir. Marcel Duchamp se rapproche alors du mouvement Dada. Le mouvement Dada est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle, qui se caractérise par la remise en cause de toute convention ou contrainte idéologique, esthétique et politique. Duchamp s'inscrit donc avec Fontaine dans ce mouvement. Il voulait exposer cette œuvre dans une convention d'art sous le nom de Hermiaute. Ils n'ont pas voulu l'afficher et l'ont donc caché, ce qui a eu pour conséquence d'attiser la curiosité des visiteurs qui ont donc décidé d'aller voir par eux-mêmes cette œuvre qui avait l'air si mystérieuse. Nous allons maintenant voir l'esprit de Marcel Duchamp à travers ses œuvres. LHOOQ, sorti en 1919, est une image de la Joconde avec une moustache et une barbichette. Elle s'inscrit dans le style artistique du ready-made. Si vous ne l'aviez pas compris, le titre constitué des lettres LHO et Q forme la phrase dite de manière fluide LHOOQ. Pour finir, nous allons étudier La boîte en valise, une œuvre parue en 1941. Cette boîte est conçue comme un musée portatif, le but étant d'attiser la curiosité. Elle a l'apparence d'une valise, puis, une fois ouverte, elle se déplie et devient beaucoup plus volumineuse avec des tiroirs. Cette valise est inspirée des trousses de toilette de l'époque qui ont de nombreuses poches permettant de ranger de façon plus organisée des affaires de toilette. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris de nombreuses choses à mes côtés. Au revoir !